Décidio de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 15 au 21 octobre 2012. Elle, c'est Alexandra Carignan. Et lui, c'est Mathieu Plante. On commence pas de même, d'habitude, c'est l'inverse de mon envers. Tu m'as toute mêlée. Déstabilisée, là. Déstabilisée complètement, je sais plus quoi faire. Donc, bienvenue au Palmarès, c'est fou, bienvenue à toi, Alexandra. Bienvenue à toi aussi. Merci, t'étais pas là la semaine passée. Non, j'ai pris congé. Oui, hein. C'est bien mérité, t'as tellement de talent et tout, J'ai pris congé de mon talent. Congé de talent. Exactement. De temps en talent, c'est... De temps en... Temps en talent. Donc, tu seras pas avec nous pour toute l'émission, mais presque. Ben presque, en fait. Je vais être là pour 1h30. Merveilleux. C'est calculé, ça. Après ça, bye-bye. Même si on est en plein milieu d'une intervention. Ça te dérange pas, je m'en vais. J'ai claqué la porte. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va voir la chronique de notre ami DJ Catardi. Oui. Elle va être là. Oui, à chaque semaine. Ben, en fait, à chaque deux semaines. Ben oui. Elle nous présente des extraits musicaux qui sont ses coups de cœur. Fait qu'on va passer un mois sans Justine Renaud, finalement, parce qu'elle n'était pas là la semaine passée. Ben oui, c'est ça. On la remet à dans deux semaines encore. Sinon, on va aussi avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. Oui. Ça va être là, malheureusement, mais c'est de même. Ben non, pas malheureusement. Moi, ben je oui. trouve ça drôle. Bon, c'est même pas drôle. C'est des genres de blagues de bas de table, là. Ben, moi, je trouve ça drôle. Moi aussi. Tu t'aimes ça, dans le fond. Qu'est-ce qu'on a aussi à l'émission d'aujourd'hui? On va voir Michael Da Silva, collaborateur spécial. Vous le connaissez du Dîner de con avec Danny Jean-Pierre. Il va être avec nous en studio pour faire une entrevue avec Colin Moore plus tard dans l'émission. Oui! Oui! Ça, pourquoi je dis ça? Je sais pas. Oui! Avec le point laser. C'est définitif. Là. C'est plein de leadership. Merci. Sinon, on a aussi des nouvelles entrées. J'en compte 3 du côté franco. Là-dedans, il y a Damien Robitaille, Denis Placard et Anne Moffat. Et j'en compte 5 du côté anglophone. Et oui, anglophone, on a Block Party, Meat Trick, Toyd, Gaslip, Anthem, White Horse aussi. Donc, ça fait plusieurs mais très, très bonnes entrées. Ouais, c'est de la variété musicale qu'on appelle. Oui. On va commencer en 20e place tout à l'heure. Block Party avec Octopus sur l'album 4. Mais tout d'abord, on commence avec Ariane Moffat avec Hôtel Amour. Elle est lover pas mal, hein? Tout le temps. Prends-toi une chambre. Hôtel Amour. Oh oui. Il va se passer des affaires là-dedans, je pense. Oh là là! On va l'écouter. Se partage, il fait la cour. Je pars pour Tokyo. Dans ma tête, il y a un passage, un vide confortable. Vol au-dessus

9. Nouvelle entrée. Magic et Breathing Underwater, position numéro 19 anglophone, nouvelle entrée. Et juste avant, on a écouté Danny Placard avec Angélique, encore en position numéro 19, nouvelle entrée aussi du côté francophone. Tout à l'heure, il y aura Damien Robitaille et Toy, mais avant ça, on reparle un petit peu avec Michael Da Silva. Et on vient d'avoir en entrevue Colin Moore et Ryan Battistuzzi. Baptiste, attends, je l'ai. Battistuzzi. Battistuzzi. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc voilà, après la prononciation italienne, je sais pas la faire, mais en tout cas, deux personnes très sympas. Moi, j'ai vraiment aimé. J'étais, on va dire, ému. Parce que bon, c'est pas tous les jours que j'ai la possibilité d'entrer les personnes comme ça. J'ai vu que ça a beaucoup plu Alexandra aussi. Oui, ouais, toi aussi tu connaissais les paroles. Ben oui, moi, ça chantait les deux, t'étais dans le studio, puis les lettres faisaient aller. Je suis vraiment une grande fan de Colin Moore. Ben, j'étais même pas au courant qu'il venait. Ça l'a. Est-ce que t'es en train de dire que j'ai tendance à ne pas te dire que je suis à l'émission de la semaine? J'irais pas. Oui, je vais dire ça. Je le dirais aussi. Attends, tu sais quoi, si jamais je peux trouver une excuse, Mathieu l'a su il y a 5 minutes qu'il venait. Ah, Non, tu m'en avais parlé que. Oui, mais toi, tu. Oh, mais je savais pas que ça allait être live en studio. Je croyais que c'était par téléphone. Je savais vraiment pas que c'était en vrai. Donc, okay, voilà. C'était un après-midi, mais une belle surprise. Moi, j'étais vraiment heureux. Oui, une belle demi-heure qu'on a passée avec Colin Moore et Ryan. Et puis, les deux chansons sont vraiment très, très bonnes. Vous allez les réentendre parce que je crois que tu vas repasser l'entrevue au dîner de con. Oui, c'est ça. Dans le dîner de con, normalement, la semaine prochaine, je vais essayer de repasser l'entrevue. Et puis, c'était. Moi, j'aime ce genre de musique. J'aime ce genre de personne aussi. T'sais, on voit qu'ils ont fait un road trip énorme là. Attends, t'es allé en Australie, je veux dire, quand tu vas là-bas en général c'est pour faire la fête et pour profiter. Et non, puis il a fait un très très bon album aussi, je l'ai écouté en entier, Alexandra te le dira aussi. Mais non, super. Très, et là, très bon. On a l'album Heart of the Storm en studio, donc ça peut être sur le palmarès dorénavant. Oui! On l'a ici, je l'ai dans mes mains. En tout cas, moi, je serais heureuse d'annoncer ça en nouvelle entrée la semaine prochaine. Oh, Colin, tu mets des barèmes en plus. Et des. Ou l'autre d'après, là, je suis pas difficile. Dans le mois à venir, mettons. Dans le mois à venir. Donc, Colin Moore, Heart of the Storm est le nom de l'album. Le spectacle, on le rappelle, est ce soir. Oui, c'est ce soir, c'est à 8h. À la salle Louis-Philippe Poisson Blou Blou de la Maison de la Culture. Oui, de la Maison de la Culture. Et à la salle Louis-Philippe Poisson, les billets ne sont vraiment pas chers. C'est super abordable. Il y a d'ailleurs un prix étudiant. Franchement, là, ça vaut la peine. Et par là, vous voyez qu'Alexandra n'embarque pas dans mon Louis-Philippe Poisson Blou Blou. Ouais. Non, mais là, c'est... Non. Non, Mathieu, ne me regarde pas. Déçu. Tu vois, c'est pour ça que je mettais pas ces fonds-là pendant l'entrevue tantôt. C'est un petit peu gossant. Non, mais j'avoue, là, le petit solo de guitare, là... C'était beau, hein? Mais tu sais, au début, je croyais que c'était toi, puis je regarde, il jouait de la guitare, je me dis... Ah! Mais non, c'était pas moi. Ben ça veut dire que ma technique est si bonne que ça, que ça avait vraiment l'air d'un vrai fond. Exactement. C'est exactement ça. J'attendais les compliments. Voilà pour Colin Moore. On va lâcher le sujet un petit peu parce qu'on a de la musique à jouer dans l'émission d'aujourd'hui. DJ Catardi s'en vient tantôt. On va aller entendre les positions numéro. En fait, on va rester un petit peu en anglophone plus qu'en francophone parce qu'on va devoir sauter par-dessus Dumas. On va voir plus tard dans le bloc Toy et Gazal Anthem en nouvelle position. Mais pour l'instant, on va écouter la position numéro 18 franco. Et oui, qui est Damien Robitaille avec son nouvel extrait Omniprésent. Un autre homme que t'aimes bien, hein, je crois. J'adore. Hey, comblé aujourd'hui. Moi, je suis vraiment comblé. Ça s'en va après une heure et demie, tu sais. Pourquoi? T'as plein de choses que t'aimes, là. Hein, regarde. En tout cas, les priorités. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Je ris d'elle pour rien. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis dans les vapouillères. cherish the moonlight. I'm in love with the way you're in love with the night. And it travels from heart to limb to pen. Le deuxième extrait de l'album The Fate of the World, de l'album Handwritten de Gaslight Anthem, c'est Handwritten. C'est pas mal la pièce titre, si je comprends bien. Position numéro 17 anglophone. Et oui, en fait, juste avant, on a écouté la position numéro 18 francophone qui était Omniprésent de Damien Robitaille, le premier extrait de son premier album, de son deuxième album, en fait. Troisième album, oui. Oui. Son deuxième étant Homme autonome. C'est une façon de les différencier. Est-ce que c'est la longueur de ses moustaches sur la couverture? Ben non, non. Je te dirais que le deuxième et le premier se ressemblent quand même beaucoup. Premier, est-ce que c'est lui qui a Maître de mon être puis Homme autonome puis ces affaires-là, c'est, je mélange non, pas. Non, en fait, le premier c'est Porc-épic. Porc-épic. Puis ouais. Astronaute. Le deuxième c'est Homme autonome, On est né nu, Mot de passe. Tout des classiques, hein. Tout des classiques. Non, mais c'est fou pour vrai, c'est des classiques, ces chansons-là. C'est vraiment bon. Moi, j'adore Damien Robitaille. Très cabot. Il est cabotin. Cabotin. C'est un petit cabotin. C'est un petit cabotin. Il n'a pas changé. Non. Avant ça, on a entendu Toy avec Colors Running Out. Toy, je dirais que je ne connais pas encore vraiment. Leur album s'appelle aussi Toy. On va en apprendre plus avec le temps. On va réécouter leurs pièces. On va s'habituer à tout ça. Ben oui. Ouais. C'est comme un enfant. Tu mets ça en face. Hein. Mets le carré dans le rond. Là, t'sais. Il ne connaît pas ça. T'sais. Il met le carré dans le genre de jouet. Là. J'essaie de faire une analogie. On n'est pas au numéro 1, c'est pas supposé être des jumeaux. C'est vrai, non, t'es pas. Non, Mathieu, là, tu déroges de ta tradition. Là. C'est ça. On va continuer avec les positions numéro 16 pour terminer cette première heure. Tout à l'heure, il y aura White Horse et Devil's Got a Gun. Mais tout d'abord, on va aller écouter la Dose Amélie avec la fête en position numéro 16 francophone. Il est dans mes plates, ce fond, là, coudonc. Hein? C'est comme. Yeah. française. White Horse et Devil's Got a Gun, position numéro 16, anglophone. J'étais pas ouvert, excuse-moi. Et juste avant, on a entendu Amélie avec la fête au numéro 16 francophone, qui est là depuis deux semaines maintenant. J'étais en mode assemblage requis, qui est celui-là. Ben c'est oui. Pas le meilleur, c'est vous, là. C'est ça. C'est ça. Moi, je suis différente. Oui, t'es en effet très différente de François-Olivier, dans le bon sens. Ok, bien fin. Ben, je suis une fille, là. Elle est pas très belle. Mais il y a des beaux favoris, par exemple. Oui, mais moi aussi. On est une radio de favoris. C'est votre radio favorite. Oui. Voilà. Restez là, au retour, on écoute Lisa Leblanc, Bernard Alamis et la descente du coude. Ciao pour l'instant! Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Ah, il fait travailler sur un méchant temps, ça. Hein? Ouh! Ouh! Palmarès! Ouh! Quand même, si tu attends pas, là. Non. C'est ça. Surprise! C'est surprise! Nous. C'est les Palmarès, c'est fou pour la semaine du 15 au 21 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandre Carrion. Je parle beaucoup trop vite. J'ai couru pendant comme 5 secondes tantôt, puis je suis encore essoufflé. C'était comme vraiment longtemps, là, tu sais. Mais t'as-tu encore augmenté la vitesse de ton fond, là? Non, je l'ai réduit par rapport à l'année passée en passant. Ça paraît pas, là, mais... on reviendra pas là-dessus. On va sauter par-dessus de l'anglophone pour l'instant. On doit rattraper le temps perdu. On va sauter par-dessus les positions 15 à 12. En 15e, c'est Foxy Shazam. 14e, P.S. I Love You. 13e, Jack White avec I'm Shaking. Et en 12e, c'est The Darkness avec Everybody Have a Good Time. On va sauter aussi par-dessus Trio, qui est en 15e franco. Avec Greenwashing, on va entendre un bloc de 14, 13 et 12 francophones. Et oui, on va aller écouter Lisa Leblanc avec Kraft Dinner au numéro 14. Francophone. Sortez les miettes de bacon. Ça me donne faim. Ah non, pas de blague de grosse cochonne. Hein? Avec du bacon. Non? Non, je fais pas ça. J'ai pas fait, là. J'allais le faire, mais j'ai pas fait. On la fait pas. OK. C'est noté. D'autres pas le reste, c'est fou. Faudrait pas dire ça à personne, mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes avec des beaux mots qu'on comprend pas, ni un ni l'autre. J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée avec des petites fleurs pis des chandelles, mais je trouve ça kitten pour mourir, pis toi aussi. Au pire, on rira ensemble. On mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. Au pire, on rira ensemble. On mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. J'aimerais ça danser un slow avec toi, mais on est tous les deux trop maladroits. J'aurais peur de marcher dessus pis de casser un orteil. J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux pis qu'on se dise des belles affaires. Ça sortira peut-être tout à l'envers, ben au moins nous autres on se comprendra. Au pire on rira ensemble. On mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a de besoin. Au pire, on rira ensemble. On mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est correct. De toute façon, il était rendu trop maigre. J'ai le cœur engraissé, mais c'est correct. De toute façon, il était rendu trop maigre. Numéro 13. Les tiennes, du monde dans le toit, mais une autre dans le chemin. Je me demandais à quoi ça me fait penser, donc ça. Ben, c'est évident maintenant qu'on y pense un peu, là, tu sais, juste à réfléchir, je l'ai comme dans la tête. Ou imaginez-vous la vraie version, pas faire refaite par quelqu'un de c'est qui a refait ça? C'est pas la bonne tune, ça? C'est pas la vraie? Non, c'est la vraie. T'es sûr? La vraie, ça sonne pas comme ben demain? Non, ça, c'est une autre, pas vrai. Ben oui, non, mais ça, c'est la vraie chantée la vraie, par les membres... Encore mieux! Pourquoi c'est pas ça chaque semaine? Ça, c'est l'épisode où est-ce que Barney, il retrouve son père. Mais pourquoi ils prennent pas ça là à chaque semaine? Ben parce qu'en fait, la chanson thème, elle est chantée par le réalisateur. Ouais, mais et son who cares? Je veux dire, ils l'ont eu pendant comme 7 ans, cette chanson-là. J'ai juste besoin de te donner une réponse parce que peu importe ce que je vais te dire, tu vas la réputer. Je répartis, hein. Laisse-donc faire. Laisse-donc faire. Et on va écouter les moments classiques, je pense. On va faire ça. Un instant classique. Voici mes moments d'assemblage requis pour la semaine du 15 octobre 2012. On est en direct des studios de C'est Fou! 89 Je suis pas capable d'imiter un animal, François. Tout est bon pour les choses. Les choses, ouais, c'est ma principale qualité. Comment tu fais ça déjà? Wow, tu veux attends un peu là? Live demain, le matin? Ouais, tu me prends de cours un peu? Oh, j'ai envie de te flatter! Je vais me retenir. J'ai vu en fin de semaine, Mathieu, des déguisements qui pourraient te convenir parfaitement. J'ai des doutes, là. Non, vraiment pas. En fait, là, quand les gens connaissent ton surnom, La Verge, hein, on ne cache pas de ça. Non, ben, difficile ben, de se cacher, en fait, ça se voit. Tout ça, ouais. Et puis, tabarouette, tu pourrais être bien servi. Un trépied. Ah, écoute, plein d'affaires. Une femme chinoise a donné à ses 6 quadruplés identiques de 6... pardon, son 4, je pense, quadruplés, aux dernières nouvelles. Je m'en suis même pas rendu compte. À ses quadruplés, 4 quadruplés de 6 ans. Donc, ils ont tous 6 ans chacun. Et est-ce qu'on va se déguiser à l'Halloween, nous autres? Je sais pas. Vous le saurez plus tard. On dira que oui à la radio, ça paraîtra pas, c'est pas le vrai. On peut juste à changer notre... Je vous rappelle, si vous êtes amoureux des arts visuels, c'est au Gambrinus qu'il faut aller. Et si vous êtes plus arts, spectacle, folk rock, eh bien c'est Colin Moore le 18 octobre prochain. Quoi que Colin Moore, il y en a qui diraient que c'est de l'art visuel aussi. Alexandra. Oh. Je vous dirais que oui. Il est bien sculpté, mettons. Il est très bien sculpté. Maxime Tanguay, et c'est sa chronique qui va commencer. Évidemment, sa chronique, aujourd'hui, nous parle d'un groupe qui s'appelle Elbow. Oui. Donc, ça fait penser à Coude. Ça fait penser à un lutteur qui ferait une descente du coude, je pense, François. Ça, j'aime ça. Donc, tu vas nous dire le nom de ta chronique en étant un lutteur, c'est moi qui va faire une descente du coude. OK, un lutteur qui fait une descente du coude. Ça, c'est mon émotion en matin. C'est ça, ton émotion. Okay. C'est une belle émotion, je trouve. C'est qui ce Ben-là? John Hogan! Deuxième heure fort chargée, d'ailleurs. Oui, j'ai de la misère à la lever, en fait. On va bench combien, toi? Hey, je bench pas bien. Non, je bench pas pantoute, en fait. C'est pas pour moi, ça. On n'est pas des benchers. Non. Coup de Congo. Yoy! Ouais. Let's Congo. Ah, pas Caroline. Non. J'avais Philippe, j'avais fait le signe que j'allais en pub. Là. Ah! OK. Si je fais ça, mettons, là, parle pas. Là. Attention, je te check. Là. Attention. Et hop, pub! Pas mal dans le fou rire et la bonne humeur. Hein? Oui, je pense que oui, avec. Monsieur Toupette Dinsard, monsieur Frisotti Frisotta. Oui. C'est ça? Avoue que ça me fait bien. Oh. Voici la la langue dans ton oreille. Intro. Je le vois, il s'en revient le petit chat, il va faire son coussin. Oui. Ça va être beau. Minou, viens ta minou. La langue dans ton oreille. J'aime le son du chat. On peut parler entre autres de la popularité du CrossFit là. Ok. Oui, dans la même veine que le cross-crouté. Excuse-moi, je veux dire le cross-country. Le cross-crouté. Au retour, on parle d'entraînement par intervalle. Vous allez dire après la pause, attention, vous allez dire. Ok, après la pause. Qu'est-ce qu'on va dire? Mise en situation, vous allez dire ça intervalait la peine d'attendre. Ça intervalait la peine d'attendre. François André qui est aussi en studio si jamais il veut participer à la Oui, exact, on pourrait l'inviter, hein, ça pourrait être plaisir d'avoir ses commentaires. Oui, oui, oui. Allez, allez. Hey, je suis là. Hey. Je suis là. Donc, là que je me rende. Ah, tu t'es rendu. Des fois, il faut s'étirer un petit peu. Hein? Non, là, je pourrais amener ça vers un jeu de mots sur... Qu'est-ce qui s'étire? L'entre-gens. L'entre-gens. Le gouvernement les a traînés en justice. C'est Maître Lucier était leur avocat. À ces firmes de fourrage. L'avocat du diable ou Lucifer? Oh! Oh. J'en donne un 11 là-dessus. Merci beaucoup. Kinky Sexy Time encore? Oh! Hey, on mur à mur. Mur à mur. Tu vas asperger ça partout. Hey, ça va splutcher. Ça va splusher. Splusher, splusher. Squirter. C'est quoi squirter? Squirter? Non, mais c'est... Tu m'expliques ça lundi? C'est un terme. Oh, c'est un terme... Et puis tantôt, j'ai aussi enseigné le terme queef. Ah, ça, je ne connais pas. Q-U-E-E-F, t'y revois. Ouais, c'est absolu Google. C'est un pet, mais de... Ah! Je pense que c'est fini, attention. Non, repart du début, c'est plate quand tu chantes au milieu. Quand... Ah ouais. Parce que pas juste François-Olivier qui sait pas c'est quoi squirter. Ben non, mais moi je connais pas ça, ces termes-là. C'est ça. Ben, puis je vais pas le taper sur Google. Non, j'ai c'est comme ça. Pas le nom, j'ai pas une bonne. Non, j'ai pas le bon feeling avec le dans le. Pas le bon. Sur le. C'est ça. Pas envie on de... est comme la chronique de Simon Fitzbay cette semaine dans son campus. On se censure. On se censure. Il y a des barres noires sur sa chronique. C'est cute, hein? Ben oui, c'est ça. J'aime ça reflète assez bien million. L'Assemblée générale qu'il commente. On remet en contexte. Il parle du huis clos qu'il y a eu à l'Assemblée générale. En fait, pas à l'Assemblée générale, mais qui a été discuté à l'Assemblée générale ouais. annuelle de logique. Voilà. Ouais. Quand on explique trop, c'est bien moins drôle. Ben, c'est pas drôle, c'est en fait. Non, pas vraiment. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Donc, parlant de pas drôle, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis. Non, c'est pas drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Oui. Lundi au jeudi, entre 7h et 9h, avec François-Olivier Marchand et moi-même, François-Olivier Marchand, qui dit rarement son nom de famille lui-même, qu'il faut dire à sa place, mais quand même, François-Olivier Marchand. Mais pas Olivier Marchand, c'est pas son nom de famille, c'est pas Olivier Marchand. C'est pour ça qu'il dit pas son nom de famille, en fait. Je pense que tu peux arrêter, là. Alors, on est rendu aux positions numéro 11. Du côté anglophone, plus tard, il y aura Patrick Watson et Words in the Fire, qui était une nouvelle entrée la semaine dernière et qui monte de 8 places. Mais tout d'abord, on va aller écouter le numéro 11 francophone. C'est ça? Ouais! Alors, numéro 11... je la mets rarement au courant. De comme Atomic Baobab, le Viewmaster, qui est un Atomic Baobab, qui est un groupe trifluvien. Tu vis pas dans ma tête? C'est non. Où je m'en vais? Non, c'est ça, je vis pas dans ta tête. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Pas besoin d'être dans ma tête, ça s'écoute à la radio au 89.1. I'm Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Numéro 11. Put your words into the fire. Watch them burn your heart's desires. Rise up in the air in a cloud of silk and smoke and dust. Fade into the night. It's a comforting feeling with you by my side. Patrick Watson et Words in the Fire, position numéro 11, ça monte de 8 places, c'était le jour la semaine passée. Et oui, c'est ça. C'est ça. Avant ça, on a entendu du côté francophone, c'était Atomic Baobab et le Viewmaster qui descend oui, la cinquième. Oui, avant la pause, exactement. Tout à fait. Donc, maintenant, Alexandra, tu t'en vas? Ben oui, je m'en vais. C'est triste? Mais, ben oui, surtout qu'il en reste plusieurs sur le palmarès qui ont l'air très bons. Oui. Mais en fait, si je peux faire une petite pause, je m'en vais au lancement d'album Deast Road. Oh. Qui est un groupe de la région et qui promet sincèrement, qui va d'ailleurs être en spectacle à la Chasse-Galerie bientôt. Oui, en novembre. Le 1er novembre, d'ailleurs. Alors, à 22h. À 22h. Présenté par le GME UQTR, donc le groupe des médias étudiants. Le GME. GME. Faut dire GME. C'est magnifique. Ouais. C'est fou, ils ont le campus. Présenté par le GME UQTR. Moi, ça me fait rire. Je sais qu'il faut pas faire ça. C'est vraiment pas correct, mais j'ai aimé le clip. Moi, tu me fais rire. C'est correct. Merci. Alors, faut bien que quelqu'un rit de mes affaires plates. Hein. Ben oui, c'est moi, ça. J'ai un bon public. Ben oui. Donc, à la semaine prochaine. Ben oui, je vais être là la semaine prochaine, assurément. Écoute-nous en voiture. Oui, je vais vous écouter en voiture. Nous vous avez en tellement moi. De la bonne musique. Merci. Encore une fois, le « vous » est en moi ou c'est fou, là? Oui.

Anna Georges et la pièce s'appelle Robotic. Position numéro 10, ça monte de 10 places. C'était nouveau la semaine passée. On a aussi entendu en 10e franco Tremblay et Marie Plastique. Ça descend de 6 places. Tout à l'heure, on entendra Madame Moustache et The Hives. Mais avant ça, DJ Catardi est arrivé. Et on y met son petit intro. On y met. J'ai corrigé tantôt quelqu'un sur qui disait, tu sais, on y va. Tu sais, fait que je me corrige moi-même. Salut DJ, ça va? Ça va bien? Oui, pas si pire. Toi, ça va? Oui. Écoute, aujourd'hui, on a une chronique qui ressemble plus aux dernières semaines, un peu moins à la session passée. Et effectivement, j'ai eu une progression dans mon choix musical. Au début, c'était beaucoup plus violent, beaucoup plus intense, ouais. Beaucoup plus orienté sur la bass et sur les choses un petit peu plus électroniques, à la limite. Là, tu calmes les nerfs, là. Ben, dans le souci de faire plaisir à l'animateur et d'aller avec son choix, d'avoir un style qui reflète un peu plus le style de l'émission Palmarès, c'est fou, qui est un peu plus indie, si on veut. Si on veut, si on veut, hein. Si on veut, ben, je peux pas dire que c'est complètement que indie, mais... Ouais, y a plein de styles assez fous quand même. Il y a plein de styles, mais dans les Palmarès, on s'entend que ça a un certain son. C'est moins electronic dance music style. Un petit peu style. Style, exactement. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti ce mot-là. J'avoue, mais c'est beau, une fois placé. Genre hein. Comme style. Genre comme style, comme genre, comme de quoi on parle. Comme aussi. Le genre que je vais amener aujourd'hui, qui ressemble, comme les dernières semaines, un peu à soit du deep house ou du lounge. OK. Pourquoi? Parce que ben, je travaille au Carlito tantôt, puis je me mets dans le mood. Tantôt étant jeudi soir, pour les gens qui s'intéressent, Carlito, DJ Catardi est là, sera là. Hein? Oui, beau petit 5 à 7, du beau monde, des bons drinks. OK. Fini la plug. Ça va faire. Ça va faire. On va y aller avec une tune très lounge, Flight Facilities. C'est une chanteuse, Gisèle Machin Chouette, qui vient drôle de Sydney. Drôle de nom, je trouve, mais ouais. Non, mais j'ai pas complété parce que c'est impertinent. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça, c'est australien et c'est très bon. Bon, on écoute donc Flight Facilities avec la pièce Crave You. Exactement. On parle assez fou, c'est la collègue de DJ Catarse. Why can't I keep you safe as my own one more? in his own world. This boy's got my head tied in knots with all his games. I simply want him more because he looks the other way. Why can't you want me like the other boys do? They stare at me while I stare at you. Why can't I keep you safe as my own? One moment I have you, the next you're gone. Rehearse steps on an empty stage. Je me fiais sur les clac-clac. Hey, on a terminé sur un clap-clap. J'espère que tu es content. Là, je l'ai raté en plus. Je suis pas bon dans les clap-clap. Il y a des choses pour que ça dans la vie, Mathieu. Ben, c'est ça. C'est comme mélanger un saxophone et une trompette ou encore Pierre-François Legendre et Rémi-Pierre Paquin. J'y confonds tout le temps les deux. Je suis pas capable. As-tu écouté un peu les paroles? Pas les paroles. J'ai écouté la musique, j'ai aimé ça. OK. C'est quoi les paroles? Ben, les paroles, c'est Why don't you want me like the other boys do? They stare at me while I stare at you. Je me regarde pendant que je... Okay, ouais. Ben, c'est ça. Fait que c'est l'exemple même de la psychologie renversée à son plus haut taux d'effectif qui fonctionne sur la chanteuse qui dit qu'elle était prise d'un homme qui ne veut pas d'elle. Oh non. Le fameux adage, il la suit, elle le fuit. Ouais. Il la fuit, elle le suit. C'est le chat et la souris. Une autre affaire que j'arrive pas à différencier, Tom et Jerry. La tragédie des temps modernes. Ouais. Tom et Jerry. Non, l'autre histoire. Ouais, juste ça. donc, c'est ça. C'était Flight Facilities avec Crave You. Et moi, dans le fond, la chanson, je ne connaissais pas l'original. En fait, je connaissais le remix de Avenger Club, qui est un groupe de dubstep. Ben, pas juste dubstep, mais ils font beaucoup de dubstep. Du moins, ils sont reconnus pour leur dubstep sur la scène internationale et ils sont de Montréal. Oh, quand même! Ouais, donc le remix de Adventure Club, il est très intéressant. Flight Facilities, Crave You. Et là, on va commencer tout de suite en écoutant une autre chanson qui s'appelle Robosonic The Edge, qui, encore là, est un peu plus sélection Beatport. Comme je vous avais parlé la semaine passée, Beatport est la référence en matière de electronic dance music. C'est un site web. Il y a un top 10, top 100, etc. Et c'est vraiment, au niveau international, c'est la référence. Les gens peuvent acheter des chansons là-bas à coût modique, environ 1$ la chanson. Puis c'est vraiment très, très, très bien. Si vous aimez le house, l'électro, le dubstep, c'est la place beatport.com. Et ça, c'est une version un peu différente d'une chanson hip-hop qui a marqué les générations. Je vous laisse deviner un peu le son en écoutant, mais on fera un retour tantôt. Puis j'espère que vous allez apprécier cette version un peu plus lounge de ce classique. Donc, c'était Rubble Sonic, The Edge. Est-ce que tu as fini par trouver la chanson? Non, jamais, mais tu me l'as chantée puis je la connais quand même pas, mais je suis mauvais hein, là-dedans. C'était Snoop Dogg, Dr. Dre, The Next Episode, qui était un peu samplé et remise à la sauce du jour. Aucune idée. C'est quoi le bout connu de cette chanson-là, mettons? Le bout connu de cette chanson-là, ouais, c'est quand Smoke Weed Every Day. Hey, hey, hey, hey. Puis là, il y a un gros blanc. Smoke Weed Every Day. Ah, c'est ça. Ça manque à ma culture. C'est une des chansons les plus classiques du hip-hop. Bon. Hein, je connais pas mes classiques du hip-hop, puis ça me dérange pas vraiment. T'sais. Non, c'est pas vraiment ton style de prédilection. Pas tant, pas tant. C'est pas ton genre comme style. Comme style genre comme, si on veut, dans c'est le sens cela. De. Donc, c'est ce qui conclut ma chronique. On a entendu Flight Facilities avec Crave You, et ça, c'était Robosonic The Edge, tiré du site web beatport.com. Merveilleux, DJ Catardi, on aime ta présence. Merci, fun! Merci, 4h55 déjà. Déjà, et c'est l'heure de te dire au revoir. Oui. C'est ça. Bon, bonne fin de journée et à dans deux semaines. Oui, on se retrouve dans deux semaines. T'es en alternance avec Justine Renaud. Pour ceux qui ne sont pas encore habitués, là, c'est une fois sur deux toi et une fois sur deux elle. Ouais, exact. Puis la semaine prochaine, dans deux semaines plutôt, ça va être le lendemain de l'Halloween. Je vais sûrement avoir une ou deux petites anecdotes croustillantes à raconter là-dessus. Tu vas déguiser, hein? Est-ce que on avait dit ton costume en ondes l'autre fois, ce sera pas ça finalement? Est-ce que t'as changé ou c'était un mélange entre Madonna et... Non, j'ai acheté mon costume déjà. Ah, ouais. Je serai cette année déguisée en mariée zombie. Mariée zombie, OK. Oui. C'est cool. Tu sais, Walking Dead, tout ça. Mm-hmm. J'ai même acheté une jartelle. Jartière. Je sais pas. Oui, J'ai pas de culture en rap, j'ai pas de culture en mariage non plus, ben, ça. Non, c'est ça, mais je vais me peinturer de rouge et de toutes sortes de choses et faire des trous dans ma robe, ça va être merveilleux. Wow, tu vas être comme ça en studio, c'est ça que ça veut dire? Ben non, ça va être le lendemain. Oh, reste habillé demain. Oui. Quand même. Ah, laisse faire. À dans deux semaines. Catardi, merci. Au revoir. On va continuer le palmarès tout de suite avec les positions numéro 9. En anglo, c'est The Hives avec Wait a Minute qui monte de 1, 2, 3, 4, 4 positions. Et du côté francophone, voici Madame Moustache qui est stable. Maison mobile, j'aime ça quand c'est stable. Pas de qualité d'affaires. Pas de culture en rap, en mariage, en mathématiques, en troc qui démarre. Je connais pas ça, j'ai pas de permis de conduire. Vous connaissez ma vie maintenant. C'est une piscine pour ses gamins. Je m'étonnais de cette banlieue et de ce paysage. Mes yeux n'en pouvaient plus que l'horizon, seul moyen de guérison. Place à l'exil, je suis parti, faire de bruit sans dire un mot. À moi, l'Eldorado. La route est belle en cavale, sur une ville normale. C'est un autre récit fou de folle. J'ai mis ma maison dans mon sac. Je suis en piste, je vise en vol. Je m'arrêterai si je croise un petit chac. J'arque les amas, je coupe les ponts du vent, monte le cri. Partir, je suis en vie. Car moi je sais que j'ai ce qu'il faut. Je pars s'enfuir toujours plus haut. La tête haute, le vent dans le dos. En enfer, mon Eldorado. 9. Wait a minute now, wait a minute, wait a minute now, wait a minute now, wait a minute, wait a minute. The Hives et Wait a Minute, position numéro 9, qui monte de 4 places avant, on a entendu Madame Moustache et Maison Mobile qui était stable. On revient dans quelques minutes avec Louis-Jean Cormier, Fanny Bloom, Stars, Noem, Will Driving West, un paquet d'autres, ça donne envie de rester, ça, hein? C'est des fans assez fous, restez là. C'est la troisième et dernière heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 15 au 21 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Alexandra est en congé cette semaine pour le reste de l'émission. C'est après ça. Enfin, aujourd'hui, ça va voir East Road, lancement d'album. Donc, on va sauter par-dessus trois pièces en anglo pour rattraper le temps un peu. Hot Panda est en huitième avec Language. En septième, c'est Mother Mother et Businessman. En sixième, c'est The Neighborhood et Female Robbery qui descend à la deuxième place. En franco, on va sauter par-dessus une chose au milieu. Galaxy en septième avec Jusqu'à la fin. On va entendre Fanny Bloom plus tard en sixième avec Mille Perçus, mais on débute en huitième place. Voici Louis-Jean Cormier. Et Cassette. Pas le tape, mets le ruban, pogne ton petit crayon. Ça, c'est une référence si jamais c'était un petit peu vieux. Tu rembobines bien ta cassette avec ton crayon. Hein? On parle à ronde de choses qui font qui étaient dans 20 ans. Je suis plus tellement là. Vieux. Ouais. Ah, c'est déprimant comme chanson à date. Je suis vieux. C'est pas vrai. chercheuse à l'appel, à la une des nouvelles, des messages à deux faces, une pour le cash, l'autre pour les flashs, toujours la même cassette. Toujours la même cassette. Les clichés se répètent et la parole s'émiette. Des cordes de langue de bois pour mettre le feu à tous les Judas. Toujours la même cassette. Toujours la même cassette. Et si on la faisait jouer à l'envers pour une fois, en éliminant tous les effets dans la voix, est-ce qu'on y verrait plus clair? Toujours bla, bla, bla. Bon sens capitule devant l'embobineuse, coincé dans l'auto-reverse. Toujours la même cassette. Toujours la même cassette. La, la, la. Toujours la même cassette. Et si on la faisait jouer à l'envers, en éliminant tous les effets dans la voix, est-ce qu'on y verrait plus clair? Est-ce qu'on y verrait plus clair? Fanny Bloom et Emile Pertuis, position numéro 6, ça monte de la 20e place. Avant ça, on a sauté par-dessus Galaxy avec jusqu'à la fin qui, elle, montait de la 15e place. Et on a entendu au début du bloc Louis-Jean Cormier et Cassette qui montent de 6 positions. Je me félicite moi-même sur mon comptage. J'ai même pas utilisé mes doigts en plus. On a sauté par-dessus les positions 6, 7 et 8 anglophones, The Neighborhood, Mother Mother et Hot Panda. C'est bien malheureux, mais on les entendra peut-être la semaine prochaine ou à la fin de l'émission. On verra. On va y aller tantôt avec les 5e places, c'est-à-dire Bio Bazar et Stars. Mais avant ça, on va être dans la section ailleurs dans les palmarès parce que pour ceux qui ne savent pas encore, là, gang de pas à la mode, pas cool, pas frais, comme diraient les jeunes. Apparemment, c'est ce qu'ils disent. On m'a dit frais, c'était vraiment comme la traduction de cool. On pourrait traduire plein de mots comme ça qui sont en anglais et les adapter. Donc, c'est pas seulement le top 20 francophone et le top 20 anglophone, c'est aussi le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 30 des albums, le top 30 des trucs canadiens, plein de choses comme ça. Donc, on va commencer par le top 30 des albums et il n'y a pas de nouvelles entrées, tout ne fait que bouger. Donc, allons-y avec le top 3. En troisième place, ça monte de 9, Band of Scars et Sweet Sour. En deuxième, ça monte de 7, Grizzly Bear et Shields. Et en première place, ça monte de 15, Edgy Ground par The Ludies, qui est numéro 1 du top des albums. Ça peut peut-être vous donner un minuscule indice par rapport au numéro 1 du top 20. Prenez pas ça pour acquis, là. Ou encore prenez-le pour acquis, dépendant. On va voir. Top 3 canadien maintenant. En troisième position, c'est l'ancien numéro 1, The North, The Stars. Donc, l'album The North. En deuxième, c'est Wheel Driving West et Castles. Et en première place, ça monte de 15, The Ludies et Edgy Ground. Je vois un thème ici. Top 10 électronique maintenant. Il n'y a pas de nouvelles entrées. Et encore une fois, comme à chaque quelques semaines de ces temps-ci, je ne sais pas trop ce qui se passe là-dedans, mais les pièces ne bougent pas. Donc, en fait, les CD, les albums ne bougent pas. Top 3, c'est Hojoba avec New World March, The Remixes. En deuxième, c'est stable aussi, The Invisible avec Rispa. Et en première, c'est Blue Foundation avec In My Mind, I'm Free. Encore une fois, c'est stable. 13e semaine de présence pour les deux positions numéro 2 et 1. Dans le top 10 loud, position numéro 3, ça monte d'une place, Dead and Kings, l'album de Catatonia. En deuxième, c'est stable, Texas Hippie Coalition avec Peacemaker. Et en première, stable aussi, on dirait que ça inspire de l'électronique. C'est Devin Townsend, ou Townshend, on sait jamais lequel il a utilisé ici. Et l'album s'appelle Epic Cloud. Voilà, c'est beaucoup de choses à dire pour une même personne sans avoir personne pour te compenser ça. Hein? Pour ça, je reprends mon cycle pas tous les deux secondes. Position numéro 5 du top 20 francophone et anglophone. En 5e place anglo, c'est Stars avec The Theory of Relativity. Ça, c'était numéro 1 la semaine passée. Donc, petite chute. On y va en position numéro 5 francophone tout de suite, par contre, avec une pièce de Bio Bazar. Sur son très bon album Obon Contech, c'est un artiste local qui s'appelle, ça va peut-être vous dire quelque chose, Danny Janvier, qui anime le dîner de con ici à C'est fou du lundi au jeudi entre 11h et 13h. Donc Bio Bazar, le voici tout de suite avec Skyfish au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Et puis ça, ben, ça donne à être bon. Fait que écoutons-le à plein volume dans votre radio, s'il vous plaît. Hein? Je vais pas vous dire quoi faire, là.

Stars et lancé numéro 1 de Theory of Relativity sur l'album de North. J'adore cette pièce de Stars, c'est bon. Avant ça, on a entendu Bio Bazar et Skyfish. J'adore ça aussi, évidemment. Hein, tu le dis à l'un, il faut que tu le dis à l'autre. Mais ça reste vrai. Ça monte de 5 places et c'est position numéro 2. Ça a été là pendant 3 semaines jusqu'à maintenant. Donc ça a encore du temps de se rendre jusqu'au numéro 1. Alors que Stars descend du numéro 1 après 5 semaines. Ça a quand même eu son heure de gloire. Ça peut encore remonter. À position numéro 4 maintenant du côté anglophone, ce sera Wheel Driving West avec Painkillers qui monte de la 18e place, donc de 14, hein? Wow. Et avant ça, on écoute Noem avec l'excellent morceau Mon Espace qui lui monte de 3 places sur l'album Petites Apocalypses. On écoute ça ou je me réponds moi-même parce que je suis seul, hein? Et pas mal assez fou, comme vent, si on veut. 89 FM. J'avais si froid et j'avais mal. Sans mon réseau, je n'étais rien. Tout était vrai et immoral. Tu étais là, tu étais loin. Cet espace. Yeah. Will Driving West et Painkillers, position numéro 4, ça monte de 14 places. Avant ça, on a entendu Noem et Mon Espace qui monte de 3. Et là, on s'en va vers un beau petit bloc de 4 pièces, là, parce qu'à un moment donné, le temps file. Et après nous, les jeudis soirs, c'est Soirée au coin du feu qui s'en vient avec Mathieu Roy, qui va vous parler d'activités, de choses, de la vie étudiante, avec des invités de marque. Qui s'appelleront pas tous nécessairement Marc, j'imagine. Donc, position numéro 2 et 3 qu'on va entendre ensemble. Plus tard, il y aura Chinatown, Grizzly Bear et Band of Scars. Mais on débute avec Keith Kuna, qui est stable. Voici Tic Tac. Au palmarès, c'est fou! Au 89.5. En Égypte, en Syrie, en Somalie, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, toujours plus fort. Oh,

dress code. S'en empêcher. Il peut pas s'en empêcher. C'est Grizzly Bear avec Sleeping Ute. Oui, je prononce bien Ute, U-T-E, et non pas Youth. C'est pour les gens qui, comme moi, qui se réécoutent et disent « J'espère que les gens pensent pas que je prononce mal Youth. » Non, c'est Ute. Avant ça, on a entendu du côté francophone. L'ancien numéro 1 de Chinatown, y vivre les pieds nus. Ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 du côté franco et on sait déjà que le numéro 1 anglo est rendu en 5e place, Stars avec The Theory of Relativity. Donc, ben, plate de vous décevoir, mais pas tant de nouvelles, pas de surprises. Par contre, vous allez être surpris peut-être de savoir qui est au sommet. Et pour ça, on a les jeux de mots célèbres de Mathieu Plante, qui, encore une fois, cette semaine, ben, tu sais, c'est pas un nouveau, je dirais que c'est pas un nouveau, des palmarès. On l'a eu souvent. Je dirais qu'il est pas mal, il est bon, tu sais. Il est cool. C'est Peter avec les chemins d'étoiles. Et du côté anglophone, je ne sais pas ce que veut dire Ludies, donc je vais même pas essayer de faire des jeux de mots là-dessus. Par contre, je suis sûr que si j'essayais d'en trouver un, ce serait comme jongler des mots, ou jongler avec des mots et essayer de trouver quelque chose qui fit avec ça. Donc la pièce est The Juggler, de Ludies. C'est douteux, mais ça monte de 14 places. On commence avec Peter, le voici. À l'instant. Faut pas me rassurer fou. Après ça, on vient et on se dit à Chabay. Mais pas là. Non, on se dit juste à tantôt. Mais je m'en vais pas. Le la position numéro 1 francophone. On va se quitter avec la position numéro 1 anglophone, c'est-à-dire The Loodies et The Juggler, qui montent de 14 places dans quelques minutes. Le temps de vous résumer les top 3. En franco, 3e position, Tic Tac de Kate Kuna. En 2e, Vivre les pieds nus de Chinatown. Et en 1e, Peter avec Les chemins étoilés. En anglo, en 3e, c'est You're Not Pretty But You Got It Going On, The Band of Skulls. En 2e, Sleeping You de Grizzly Bear. Et on se quitte, comme je l'ai dit, avec The Loodies et The Juggler. Voilà pour ça. Maintenant, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, entre 15h et 18h. Après nous, restez à l'écoute pour l'émission de Mathieu Roy, Soirée au coin du feu, avec des discussions sur la vie étudiante. On repasse les vendredis soirs entre 17h et 20h. Après nous, c'est Sky Punk avec les camarades B. C'est du punk rock. Et finalement, on joue les lundis entre 14h et 17h. À 18h, manquez pas le boudoir avec Alexandra Carignan. Je remercie d'ailleurs Alexandra pour sa participation à l'émission d'aujourd'hui, ainsi que DJ Catarty. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions, ainsi que sur sifu.ca pour la programmation complète. Comme je l'ai dit, je pense deux fois à date, fait que le troisième, c'est toujours bon. The Loodies va terminer l'émission avec The Juggler. C'est la position numéro 1 sur l'album Edgy Ground. Passez une excellente fin de semaine ou début de semaine ou quand ça vous adonne. Écoutez, faites bon comme ça vous tente, puis amusez-vous.